vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 28 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Devine où on est. Dans le studio! Oui, et à quel... En direct! Je pense qu'il y avait un délai, je vais te demander le nombre de secondes de délai. Non, pas de délai ce matin. Pas de délai, en direct. En direct. Voilà. Ce matin, écoute, on est de bonne humeur. Oui. Hein? Le parlay pogné. Le parlay pogné, pas encore. Non, ça s'en vient. On va le faire pogné. Ça s'en vient parce que Stéphanie Paradis est avec nous. Salut, bon matin. Bon matin. Bon matin. Ouais? Ouais, ouais, c'est tout. T'es matinale? Je suis matinale. Tu es matinale si tu es ici en ce moment. Ah ben. En direct, là, on est en direct. Est-ce qu'il commence par mat? Tu sais, matin. Mat. Mathieu. Puis c'est tout. Puis matinfo, mettons, le cours. Le programme. Je dirais. C'est ça, mathématiques, informatique, on se comprend là-dessus. Tu me demandais tantôt si ma cafetière. Tu avais oublié ma tasse à café? Ah oui, as-tu oublié un ingrédient ce matin? Café, eau. Tasse. Étape 1, 2, 3. J'ai pensé, j'ai même compté les étapes parce qu'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai raconté l'histoire que j'avais oublié de mettre ma tasse dans la cafetière à une tasse. Fait que c'est comme j'avais mis le café, l'eau, mais pas ma tasse, ça avait coulé sur le comptoir. Bon. Ce matin, j'ai un petit peu passé proche d'éternuer. En fait, non, j'ai même éternué, mais tu sais, avec un mouvement tellement intense que ça m'a fait échapper dans le frigidaire le pot de sirop d'érable par terre. Mais il n'est pas cassé. Ça a-tu coulé? Non, c'est non? ça. Une chance, parce que savais-tu que c'est un des trucs les plus horribles à ramasser? Tu ramasses ça comment? En pleurant. En pleurant, sinon ça fonctionne pas. Il y a pas un truc comme, mettons, si t'échappes un œuf à terre, tu mets genre, c'est quoi? C'est du sel, du vin, non, non. Du vin? Je sais pas, non, non. Ben, du vin rouge et du vin blanc pour les taches. Mais tout un stock de vin chez toi. Ben, je sais pas, j'ai jamais osé essayer. Hein. Mais. Je suis perplexe. Ben, madame Chachetache, là. Chachetache? Chachetache, là. Pas ça, cette madame-là? Cette madame-là, elle dit qu'il faut mettre du vin blanc. Ben, quand même. C'est pas, en même temps, elle trouve pas une bouteille pour. Ben, moi, j'ai toujours ma petite bouteille de vin blanc pour cuisiner. Alcoolique! Le... Non, non, mais je la bois pas, celle-là, là. C'est pour pas cuisiner. Du vin un peu plus cheap que. Du vin très cheap. Bon, parle-nous de ça. Mais tant qu'à faire de la cuisine, prends du bon vin, hein? Ben non, ça vaut pas la peine. Non? J'aime mieux le boire. Tu distingues pas le goût, là? Pour le prix, la différence de prix? Ben, pour nos bouches à nous, on le sent pas la différence, mais les grands chefs disent que oui, ça fait une différence, ah ouais, là, mais là. J'ai pas les moyens d'un grand chef non plus. Non, non, et t'as pas les talents d'un grand chef. Non plus, non plus. Hey, mais comment en sommes-nous arrivés à parler de ça, t'sais? Aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, on va avoir à 8h la chronique, en fait à 7h45, la chronique d'Anne-Julie Durocher, qui va tourner les pages pour nous présenter son choix là, dans l'index d'Anne-Julie. À 8h, on aura Jasmine Raymond-Rainville, qui va nous faire la liste des activités et des actualités de la GEQTR. Et à 8h30, Maxime Bilodeau, François. Oui, ben oui, certainement. Et on va parler, on va continuer, je pense, de parler de sommeil, de chrono quelque chose. Chronobiologie. Chronobiologie. Oui. Tu te rappelles, la semaine passée, on avait exploré les concepts et on s'est exposé, on s'est posé quelques questions quant à leur importance respective dans notre quotidien. On parle du sommeil et de la chronobiologie. On va aborder cette fois-ci des questions fondamentales telles que est-ce qu'étudier toute la nuit avant un examen est vraiment une solution gagnante? François, tu dirais que non, toi? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ben, Véronique Mire nous l'a confirmé. Et on sait qu'elle elle sait tout. Elle n'a pas tort. Dans le domaine. C'est une femme, hein, Stéphanie? Exactement. Que signifie l'acte de bâiller et quelle est l'heure à laquelle les records de performance sportive sont le plus susceptibles d'être battus? Ça, je sais pas, je trouve ça embêtant. Tu dirais à quelle heure on fait un pou? On fait un pou, là? Un pou! Un sur poule? L'air, un poule, voyons. Un poule. Un poule. Allez, c'est pas vrai, quelle heure tu dis, toi? Je te laisse commencer. Pour faire, en fin d'avant-midi. Moi, je dis que ça dépend de chaque personne. Il y en a qui sont très actifs le soir. Je dis que ça peut peut-être être bon. Ou sinon, j'avoue que l'après-midi, bon, c'est gagnant. Ou sinon, peut-être tôt le matin. L'après-midi, c'est que t'arrives au mur à un moment donné, c'est en fin d'après-midi. Ben, après avoir dîné, t'as une période où, en fait, on parlait de la sieste, de l'importance de la sieste la semaine dernière. Je pense que ça peut venir jouer là, contre tes performances. C'est une petite siesta, là, puis... Ouais, c'est dangereux. Un power nap. Un power nap. There's a nap for that. Comme le Apple, Stéphanie, Apple, il y a une application pour ça. Mais après, c'est une nappe comme une sieste. Oui, oui. Ouais. On avait compris, cool. Mais même expliquer, c'est pas. C'est ça. C'est ça. On va aussi faire, évidemment, le survol du Zone Campus, la raison de la présence de Stéphanie Paradis. Sinon, y aurais-tu dit, viens pas dans mon studio un matin? Hein? T'es tellement sympathique, Mathieu. Ça fait plaisir. Non, mais sinon, je pense que t'aurais resté couché. Hein? Oui. Potentiellement. Bon. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Surtout ce matin. C'est pas si pire. Il fait pas si froid ce matin, pas qu'il y a. Non, mais j'ai un petit peu la tête qui va exploser. Dans derrière? Là. T'as la tête dans derrière? Quoi? T'as la tête dans derrière? Mais c'est quoi cette expression-là? Ben, avoir la tête dans le cul. Ah, c'était une façon sympathique. Ouais, c'est une façon polie. Écoute, ben, on est quand même matinal. Mais t'as déjà entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. Oh, ben. Tu, tu l'entends la première fois sans blague. Tu me débauches ce matin. Je te débauche? Wow. Hey, tu remplaces une lettre, puis ça peut être... des choses? Débouche. Débouche. Ah, des vis. C'est ça? OK. Nous, on dévisse vers une chanson. Quelques minutes. Oh, Yann Perrault. Il était un cheval. Voici Acrobat de l'éternité. Après ça, on revient avec deux petites chroniques rapides avant de faire la chronique Zone Campus. On va voir... évidemment, la chronique tout en quoi, où je vais chialer parce que c'est mon habitude de le faire une fois de temps en temps. Je suis prêt pour ça. Et une nouvelle chronique pour la première fois à Assemblage Requis. François, tu vas adorer. Stéphanie, je sais que ça allait déjà ça parce que... J'ai tout testé. Parce qu'on va faire ce slogan « Vous va comme un gant oh. ». C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ah ouais, hein? OK, hein? Île de musique, naufragée chez toi. En état d'un péché démentiel depuis toi, j'ai la bête immortelle des mots plus belles. Accident, mon intempérie sexuelle. T'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon butin. On a tout misé sur nous, le ciel dans. De l'éternité, tes jambes autour des miennes, en rivière et en fleuve, toujours devenir des étoiles filantes de jour dans des cieux parallèles à la ligne de départ, à l'arrivée, le désir me mord de plaisir. Je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. L'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader, l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader, l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. De l'éternité, des acrobates, de l'éternité, des acrobates. chante très bien. Ça, Stéphanie Paradis. C'était magnifique. Merci. T'es la première personne qui dit que c'est magnifique en chantant, donc je suis très sur mes gardes. Et puis, j'accepte pas le compliment. Non. Puis, quand je t'ai dit que t'avais des beaux favoris, est-ce que t'as accepté le compliment? Ben, ça... Ou mes compliments sont louches? Ouais, effectivement, ils sont très, très louches. c'était vraiment bizarre, la façon que tu m'avais dit ça. C'est beau. Allez-vous ouais, fini? On est ouais, fini. C'est bon, et la petite chicane de même, là. C'est terminé. On se chicane pas, on se fait des compliments. Ben, ouais, moi, en tout cas, j'ai en fait. C'est fake, non? Non, ça vient vraiment du fond du cœur. Ça manque d'authenticité, on dirait. D'authenticité? Ouais. Non, mais les favoris, je trouvais que ça avait l'air pas mal trop intense. Arrête donc. Mais pour chanter, par exemple, je pense que ça manquait un petit peu d'authenticité. Mais les favoris, c'était vrai. OK, ben, je suis tanné officiellement. Donc, là, mon ça va faire le niaisage. Là, on va se calmer le pompon. Hein, t'es chelou parce que t'as pas dit que t'as des beaux favoris, toi? Parce que pourtant, j'ai des favoris, moi aussi. C'est quand même appréciable, là, leur longueur. C'est quand même... C'est un look, ça. Hein? Bon. Hein? Regardez bien, là. Non, François. Hey. Ah, toute une paire. Oh! Toi, tu t'as toute une paire, mon François. Toute une paire de favoris. Ah, il y a tout le temps quoi. Il y a tout le temps quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tard. Il y a tout le temps quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tard. Merci les choristes, c'est François qui chante cette chanson-là. Ça paraît pas. Tu chantes bien? Oh oui. Donc l'autre fois, je commandais quelque chose au restaurant, tu sais. Je commandais au téléphone, en fait. J'étais au téléphone, je faisais une commande par téléphone. Tu sais, je dis, est-ce que, tu sais, elle demande, est-ce que c'est une commande, tu sais, c'est une livraison. T'sais. C'est une livraison, t'sais. On demande tout le temps ça au téléphone, c'est une livraison. Et là, je dis, non, c'est pour une commande à emporter, s'il te plaît. Là, elle me demande, est-ce que vous allez venir la chercher? Là, je fais comme, c'est une commande à emporter, non? Je vais faire quoi si c'est autre chose que venir la chercher? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est niaiseux. Écoute, ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués qu'on dise à emporter ou faudrait que je dise c'est une commande que je vais aller chercher au restaurant, peut-être? Mal à chauffer. Ben, c'est quoi, là? C'est rien que des morons qui appellent c'est une commande qu'on va faire au restaurant. Non, gars, je le dis comme faut. Il y a un mot pour ça, c'est à emporter, d'où, là? T'sais? En fait, c'est deux mots. C'est deux mots, en effet, avec un accent. Oui. C'est ça. Mais je comprends pas, tu sais. T'sais, apporter, emporter, je sais qu'il y a peut-être une différence, qu'il y en a qui vont dire c'est une commande pour emporter, t'sais, ils vont mal, t'sais. Ou ça, c'est correct, mais peut-être qu'on dit... c'est emporter. Peut-être qu'ils vont d'autres vont dire apporter, t'sais, peut-être. Ah, puis c'est clair qu'elle entend la différence, puis que ça l'a tout mêlé. Je me dis apporter, emporter, ou hey, empoter, t'sais. Peut-être plus ça, sont empotés. Deuxième affaire, OK. Je sors mon iPhone. François, t'as sûrement déjà vécu cette expérience-là. Si, mettons, tu vas dans l'application musique de n'importe quel iPod, Touch ou iPhone, tu vas dans musique, et là, ouais. Tu vas dans, mettons, dans liste ou dans artiste ou dans morceau. Mettons, tu vas dans morceau. T'as l'ordre alphabétique des pièces, t'sais. Mais mettons que tu veux trouver une pièce en particulier, hein. Mettons, là, tu vas pas aller jusque des N, tu vas pas scroller jusque des N. Tu veux faire une recherche, là. Est-ce que tu sais comment faire une recherche là-dedans? Mettons, tu cherches une chanson en particulier. Est-ce que tu sais comment faire ça? Non. Non. Faut que tu ailles complètement en haut, OK? Mettons qu'il est placé avec le A en premier. Il faut que tu dragues par en bas pour afficher le champ de recherche. Tu me niaises? Tu sais, mets-le dans face des noms. Cache-le pas. Pourquoi tu caches le champ de recherche? Est-ce que tu l'as trouvé? Oh, ouais, je l'ai trouvé. Parce que mais... t'as une petite loupe à droite. Tu peux cliquer sur la petite loupe en haut des lettres, mais c'est minuscule. Une petite loupe en haut des lettres? En haut de l'ordre alphabétique, t'as A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Là. T'as une petite loupe en haut de ça. Je l'ai pas, moi. T'as pas ça, mais bref, sinon, il faut draguer la page parce que le champ de recherche est caché par défaut. Et même que si tu redragues un petit peu par en haut, juste pour essayer de cacher la moitié du champ recherché, il va s'auto-barrer en cachant le champ de recherche. Ils veulent vraiment pas que tu le vois, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi. Ah, bizarre. C'est comme essentiel dans une application de musique et je comprends pas pourquoi cacher ça. Mais bon. Donc, recherche cachée d'Apple, c'est l'autre affaire. Ensuite, jouer à Mario sur la nouvelle Wii U. J'en ai déjà parlé un petit peu que j'avais acheté une Wii U là, en me dépochant complètement. Tu sais, les jeux de Mario, là, encore en 2012, là, ne sauvegardent qu'au château de mi-monde et de fin de monde. Je comprends pas. Je veux dire, tu joues à un jeu vidéo, je peux-tu arrêter quand je veux à la regarder le tableau? Faut pas que j'aille en faire comme 4-5 tableaux. C'est pour te rappeler le bon vieux temps. Comme dans le temps où tu fais juste pas sauvegarder sa NES dans le temps. Là, mais c'est frustrant. C'est très frustrant. Là, ta blonde dit viens souper. Ouais. C'est comme non, je peux pas. Faut que je finisse mon château. Ou sinon, tu peux toujours le mettre sur pause puis continuer plus tard. Tu me diras, tu sais, mets-toi sur pause, j'ai pas de problème. Ouais, mais la Wii U, là, par défaut, elle s'éteint après une heure. Fait que moi, ce que j'ai fait l'autre fois, c'est que j'ai, dans le fond, ok, je reviens un petit peu en arrière, il y a un mode sauvegarde rapide, ok? Dans Mario, sur plusieurs consoles, en fait, de sauvegarde rapide, qui est une sauvegarde que tu peux utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire, tu sauvegardes à n'importe quel tableau, en effet, tu fermes ta console, et quand tu y reviens, une fois, tu peux revenir à ce point de sauvegarde-là, et après ça, il va falloir que tu fasses vraiment un château pour pouvoir sauvegarder comme il faut. T'sais. Tu peux pas, genre, mourir, manquer toutes tes vies, recommencer au même où t'étais. T'sais, ta sauvegarde est bonne qu'une seule fois. T'sais. Sinon, il faut que tu reviennes à l'ancien. C'est un peu bizarre. Il faut que tu reviennes à l'ancien château. Mais bref, moi, j'avais recommencé sur ma sauvegarde rapide. OK? Puis, j'avais laissé la console allumée. J'étais allé souper. J'avais changé mon input sur la TV pour regarder des vidéos, n'importe quoi. Puis là, quand je suis revenu, la console s'était fermée. T'sais. Mais évidemment, ma sauvegarde rapide. Elle se ferme après une heure, tout ça. Okay. Mais donc, j'avais déjà restauré ma sauvegarde. Fait que la console, en se fermant, elle a annulé ma sauvegarde rapide. Donc, j'ai dû refaire les 5 derniers tableaux. T'sais. Tu les aurais refait quand même. Probablement, sûrement un jour. Là, mais oui. On s'entend que c'est frustrant. T'sais. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est illogique. La sauvegarde rapide, une fois, ça donne rien. T'sais. Je veux dire, tant qu'à faire ça, aussi bien juste nous laisser sauvegarder n'importe où. Mais bon. Ensuite, OK. VTL, la station, OK? VTL, ben le réseau de télévision. Mm-hmm. Récemment, et là, ça, c'est Evelyne Audette, animatrice de station de radio quelconque, là, qui postait ça sur son Twitter. Elle a dit que récemment, VTL a joué Terminator, mais pas dans l'ordre. Tu sais, les films, je te jure, les films Terminator. Je vais même aller sur la grille horaire, sur vtl.ca/horaire. Je vais aller jusqu'en prime time. Ouais, donc on commence à... ben là, évidemment, il y a eu District V, Génération Inc. À 18h, c'était Cinéma Terminator 2, Le Jugement Dernier, OK? Suivi à 20h30 de Terminator 4, Rédemption. Ben là. Ils ont peut-être pas eu les droits pour le 3. Ben peut-être. J'imagine que le premier doit être à TVA parce qu'ils ont acheté le gros blockbuster qui est le Terminator 1. Terminator 3, j'imagine que c'est perdu dans les brumes. Peut-être que c'est Télé-Québec qui le sait pas. Radio-Can. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu joues ça dans l'ordre, là, Terminator. Hein? Même si l'histoire se suit pas, je veux dire, à la date. Ben, dans l'ordre, tu risques de comprendre quand même. Ben, c'est sûr que c'est un gros film d'action. Pas besoin de. Pas grand scénario derrière ça. Mais moi, j'écouterais pas le 2 et le 4 tout de suite après. Non, je trouverais ça frustrant. Juste parce qu'il y a un chiffre. Pis... Ouais. Ben, c'est un peu comme. Je voyais l'autre fois, dans un magasin de musique, en tout cas qui vend des films, des affaires, il y avait le coffret de Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. T'sais. C'est marqué coffret complet, puis en effet, les quatre films, tu sais qu'il y a quatre films de Maman, j'ai raté l'avion? Ben, en fait, il y en a deux mauvais, là, avec... Ben, mais en tout, il y en a quatre pareils, même s'ils comptent pas, parce que c'est pas les mêmes acteurs pour toi. T'sais. C'est ça. Mais il y en a quand même quatre, puis les versions françaises sont, pour les trois premiers, le numéro 4 a pas de version française. Okay. Ouais, ils l'ont pas doublé? Non. C'est marqué version anglaise seulement. En tout cas, s'ils l'ont doublé, il n'est pas sur le DVD. T'sais. Fait que c'est juste bizarre. Est-ce que vous avez vu que la Wii a un nouveau, nouvelle petite sœur, la Wii Mini? Tu sais, la semaine passée, la Wii U est sortie. Puis je l'ai acheté, j'adore ça, je suis super content. Mais Nintendo, pour faire un dernier genre de splash d'argent à la fin, c'est déjà qu'il avait sorti le modèle horizontal il y a quelques temps, qui jouait plus les jeux de GameCube. T'sais, c'était le modèle de Wii qui ressemblait pas mal à l'ancien, mais à l'horizontal. Ouais, mais bon. Là, ils ont ressorti un dernier modèle vraiment pour essayer de faire une dernière flowbait. Wii Mini, qui est une console minuscule à 100$ avec les coins rouges. C'est super cute. Ça vient avec la manette, ça vient avec la console, mais c'est tout. Ça vient pas avec un jeu. Ça va être en magasin le 7 décembre et seulement au Canada. Donc, une console exclusive au Canada. C'est quand même quelque chose. Mais là, tu regardes dans les petits caractères du courriel que j'ai reçu par rapport à ça de Nintendo. Et ça dit, la console Wii Mini ne se connecte pas à Internet et ne supporte pas les capacités en ligne des jeux. Donc, il n'y a pas d'Internet du tout dessus. Pas de Wi-Fi, pas de prise Internet, rien. Fait que tu joues au jeu, c'est tout. Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu poche, là. Ben, moi, je m'en fous. Je me suis jamais connecté sur Internet avec ma Wii parce que je le savais même pas jusqu'à récemment que c'était possible. Donc, moi, je joue à mes jeux toute seule. Et mais t'es pas allé acheter, genre, tu sais, les vieux Mario au Super Nintendo non. Sur le Wii, sur la Virtual Console? Non, parce que j'ai des vieilles consoles qui fonctionnent encore. Ah, et... c'est ça. Pas de consolidation comme j'aime bien le faire. Une seule console qui fait tout. Ah! Non. Moi, non. J'aime avoir mes classiques. C'est ça. Et certains autres gens diraient « Ah, mais j'ai pas besoin d'online parce que je vais aller sur Internet torrenter mes jeux, les télécharger puis graver un DVD avec ça. » Mais qui fait ça? Qui fait ça? Voyons. Ben, des gens apparemment, mais ces gens-là ne comprennent pas que c'est, tu sais, dire que j'ai pas besoin d'Internet parce que de toute façon, je vais aller me pirater mes jeux, c'est comme dire, tu sais, j'ai pas de lecteur MP3 dans mon char, mais par contre, je peux me taper des cassettes audio puis les mettre dans mon lecteur de cassettes puis ça fait ma affaire. Non, non, non, non, non. Les cassettes, on s'entend, c'est désuet. Ben, ouais, c'est désuet. Mais acheter juste des jeux, c'est juste normal. La qualité va être bonne pareil. Ouais, mais ça reste illégal, tu sais. Non, mais acheter les jeux. Acheter les jeux, c'est correct. Ouais, ben c'est ça. J'imagine que la plupart des gens ne font qu'acheter des jeux et les jouer dans leur console. Mais tu sais, si t'as un jeu qui a des possibilités d'online, comme mettons Mario Kart, tu peux jouer contre un ami qui est ailleurs dans le monde, mais tu pourras pas le faire parce que t'as pas Internet sur la nouvelle Wii Mini. Bon, j'ai pas d'amis ailleurs dans le monde. J'ai pas d'amis ailleurs dans le monde. Non, non. T'as réponse à tout, toi? Non, j'ai juste pas d'amis, non. Juste pas d'amis. Qu'est-ce qui me dérange d'autre? J'ai pris des notes, là, des affaires bien rapides. Okay. Les gens qui disent numéro de NIP, là, ça me tape ses nerfs. Hein, parce que c'est un NIP. NIP, ça veut dire numéro. Numéro d'identification personnelle, arrêtez de dire numéro de NIP. T'sais. Bon, c'est dit? Oui. On se comprend là-dessus? Oui. Je comprends pas en anglais comment ça fait qu'eux autres, ils sont comme. Ils ont botché la chose en disant, tu sais, mettons, une baie, d'accord? Tu vas avoir une mûre, ça va être Blackberry. T'sais. Un bleuet, ça va être Blueberry. C'est comme une baie bleue, une baie noire, une baie. Il y en a plein. C'est tout le temps Berry. En français, oh, tu sais, mûr. On dirait que c'est comme genre, ils cherchaient. On dirait qu'ils étaient assis dans une salle pour trouver le mot en français pour Blackberry. Puis ils regardaient devant eux autres, ils regardaient le mûr, tu sais. Puis ils se sont dit, mais on va aller faire un mûr parce que je suis devant un mûr, tu sais. Non? Il y a quand même un petit effort de plus qu'en anglais. Peut-être, oui. Peut-être une question de paresse en anglais. Sûrement. Ou de zèle en français. Un peu des deux. Et on termine avec celui-là. Je suis allé au cinéma en fin de semaine pour voir le nouveau James Bond. On l'avait dit, je pense, à l'émission. Et on peut maintenant faire sur son iPhone ou sur n'importe quel téléphone, on peut, à la place d'aller imprimer les billets, t'sais, on pouvait déjà faire ça à la maison. Tu te faisais imprimer ton billet avec le petit code barre et t'es arrivé au cinéma, il scannait ton billet, puis t'avais pas de problème. T'avais pas à faire la file pour acheter des billets au cinéma. T'sais. Maintenant, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Il y a un PDF et puis ça te montre juste le gros code barre et tu montes ça. Et c'est marqué en dessous. Genre de présenter cette affaire-là soit au guichet de mobilité chez Cinéplex Odéon, truc, ou encore de le montrer au gars qui est à la porte des salles. T'sais. Fait que là, j'arrive à comme 4h03, le film commençait à 4h05. J'ai mon affaire, tiens, scanne-moi ça, s'il te plaît. Et le gars me dit, non, moi, je fais pas ça, moi, j'ai pas cette machine-là, il faut que t'ailles au kiosque là-bas, à l'autre bout. Fait que là, on fait comme moi, mais le film commence dans 2 minutes, c'est marqué que je peux le faire scanner par le gars à la porte. Non, voilà là-bas. Fait que je vais faire la file là-bas, super longtemps, et la machine est défectueuse. Ouais. Fait que là... Fait que là, je suis allé à une autre machine à l'autre côté du cinéma, ok, complètement à l'autre côté, pour le faire imprimer. Et ça a fonctionné et je suis arrivé à temps parce qu'il y a comme 20 minutes de bande-annonce sûrement dans les films. Et moi, j'étais pas sûr si 4h05 c'était l'heure du début du film ou l'heure du début des bandes-annonces. T'sais, c'est encore maintenant pour moi, puis je vais pas souvent. Mais bref, finalement, on a réussi à y aller. Et là, après ça, après le film, c'était super bon en passant. À la fin du film, on voulait manger. Nous autres, on s'était prévu la fin de semaine d'aller manger de la poutine chez genre New York Fries là, qu'il y avait au Colossus Laval. T'sais. On arrive là, tous les restaurants sont fermés parce qu'ils sont en construction. Genre, c'est le fun, fait ça. On était pognés pour aller au kiosque de popcorn. Le seul repas qu'il y avait, c'était un hot dog avec des nachos pour 12$ avec une liqueur. Deux fois, évidemment. Tu sais, plus un troisième hot dog parce qu'à un moment donné, un hot dog, c'est pas assez. Fait que ça a fait sûrement un genre de 30$ juste pour souper. C'est sûrement le même prix que ça aurait coûté pour une poutine chez New York Fries. Mais t'aurais pas pu aller ailleurs? Ouais, mais le film était comme dans 45 minutes, genre, puis le restaurant le plus proche était genre un Saint-Hubert, ce qui est comme pas très rapide comme service. T'sais. Fait que je pense pas qu'on aurait eu le temps, puis on voulait pas se risquer, puis tu sais. Ah, mais c'était déprimant, tu sais. Je veux dire, on s'entend, 12$ pour des nachos et un hot dog. Là. C'est du profit. C'est du vol. C'est profit net. Dépendant comment tu regardes les choses. Donc voilà, il y a tout le temps de quoi. Ah, hein? c'est déprimant. Ah, là, c'est on quoi est déprimé, ça? Là, matin. Marche pas, là, je suis allé de ma radio, là. Hein? Mais tantôt, on va se récompenser en ayant des bonnes idées. Hein? Puis aussi, on va faire la chronique Zone Campus. Non, ça va nous remonter le moral, ça. Tout ça va nous remonter le moral. Pour l'instant, on écoute une pièce de Mumford & Sons, François? Oui, la pièce, c'est I Will Wait. Ben, on n'attend pas plus longtemps que ça, hein? Assemblage requis. Well, I hit home like a stone, and I fell heavy into your arms. Days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I will wait for you. And relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him with less. Now in some way shake the excess. Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the light. Mumford & Sons et la pièce I Will Wait, pièce que j'adore pour vrai, c'est, oui. C'est tellement bon. Très, très Mumford & Sons, une valeur sûre. C'est un cadeau à acheter à Noël. Quand c'est pas la tête. Pogne Mumford & Sons. Oh, pogne les parents. Donne ça à ta grand-mère. Elle aime bien ça, des petits garçons de main. Ouais, mais ils ont l'air sales. Ils ont l'air propre, hein. Ils ont l'air propre en plus. Ils ont l'air très propre. Pas leur besoin dans le coin, hein. Pas trop. Donc. Toujours à Assemblage Requis, il est 7h29. Dans quelques minutes, on parle du Zone Campus. On s'approche de ça. On va faire un petit quelque chose de vraiment très rapide avant ça parce que j'ai eu une nouvelle idée puis j'en ai parlé puis j'ai pas choisi de le faire. Là. À un moment donné, je vais être mortonner là, parce que j'ai trop de talent à donner. Là. T'sais, trop de bonnes idées, des éclairs de génie qui me sortent de la tête là, comme c'est pas possible. T'sais. Donc, c'est une chronique qui s'appelle « Ce slogan vous va comme un gant ». Hein? OK. « Ce slogan vous va comme un gant » parce que moi, je suis un grand créatif. Hein? Un grand créatif. C'est un artiste. Hein? Un artiste. On voit de suite. Un peu comme une compagnie en Virginie qui m'a inspiré pour faire cette chronique-là. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Tech Lab. Ils se spécialisent dans l'analyse des échantillons de sel. OK. C'est du... OK, de sel. Des sels. Des besoins. Des sels de fesses. Ouais, des sels de fesses. Des sels de fesses, exactement. Après, les sels de bain, les sels de fesses. Et donc, eux, leur slogan, c'est « Number one in the number two business ». Donc, numéro un dans la business des numéro deux. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle Roto-Rooter, une compagnie de faux sceptiques qui fait ça à Toronto. Ils utilisent le même slogan « Number one in the number two business ». Donc, ça m'a inspiré des slogans. Okay. Dans la vie, parce que ouais, ça coule à flot. J'en ai déjà comme 5 juste pour aujourd'hui. Il y a une compagnie qui s'appelle genre Desmoisants Construction.

Après la pause, la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 7h38 à Assemblage requis. François Marchand, a.k.a. Cheddar. Cheddars. À cause de l'odeur de ses flatulences. On l'appelle Cheddar. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on a eu une confidence. Mais là, en même temps, je peux pas en parler, sinon, écoute, elle va te gêner. Une confidence? Moi, j'ai absolument rien. Hey, relance-moi pas, toi. Sur l'odeur des flatulences de Stéphanie, ça? Ouais. Okay. Moi, c'est Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est là. Et là. Oui, elle bat. D'accord. C'est la chronique Zone Campus. Hein. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Stéphanie Paradis, bon matin. Bon matin. Bon matin. Je me sens pas respectée ici ce matin. Là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Hein? C'est du Aretha. Yes. Hey, moi, je comprends rien à ton accent. Arrête. Franklin. Donc, Zone Campus avec en couverture une exposition moustachu pour le Movember au Gambrinus. Ben, c'est ça. T'as tout dit. Non. Donc, oui, puis c'est présenté jusqu'au 4 décembre. Donc, c'est encore possible là, d'aller la voir. Donc, la moustache décore les murs de la brasserie artisanale Le Gambrinus. Donc, ils veulent ramasser des fonds pour cancer la cause. Cancer de la prostate. Oui, contre le cancer. Ouais, contre. Non, contre, pour célébrer le cancer de la moustache. Ouais, c'est ça, le cancer de la moustache, excuse-moi. cancer ça risque de venir un jour. Peut-être un jour. Mais donc, Le Gambrinus, après avoir ramassé des fonds de bocs de bière, va maintenant ramasser des fonds pour le Movember. Pas pire, hein? Ouais, des fonds d'argent. Nouveau slogan pour... Donc, la vente des œuvres est encore en cours. Donc, la moitié... sont déjà vendues? La moitié du prix des toiles, non, va être remis à la fondation du Movember. Et en plus, en échange d'un don, on peut voter pour sa toile préférée. Et parmi les gens qui vont avoir voté, il y a une toile qui va être tirée. Eh! Ouais, c'est vraiment cool. Très cool. Hey, mais elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment magnifiques. Il y a même... Will Ferrell? Oui, tout à fait. Une moustache? Ça, est-ce que c'est dans le film du président? Là, non, c'est Anchorman, présentateur vedette. On retourne en actualité, après avoir parlé de poêle comme ça. On vient sur la fermeture, en fait, la conclusion de l'histoire du comité d'intégration internationale universitaire. Ben oui, c'est mourir de sa belle mort, le CIIU. Désormais n'existera plus. Malheureusement, après 3 tentatives, ils n'ont pas réussi à avoir le quorum pour élire les nouveaux membres du comité. Donc, c'est fini. C'est comme c'est ça. Triste. C'est triste. C'est terminé comme ça. Mm-hmm. Mais un peu plus positif, il y a un nouveau laboratoire d'informatique qui a ouvert au département de philosophie et des arts. Donc, c'est un projet de 300 000 $. Donc, le laboratoire va servir principalement aux étudiants inscrits au tout nouveau baccalauréat en arts visuels, qui s'appelait anciennement le baccalauréat en arts plastiques, donc avec profil en nouveaux médias, et aussi aux étudiants du nouveau certificat en nouveaux médias. C'est bon, ça, d'élargir un petit peu les arts plastiques pour venir intégrer les gens qui font du design sur ordinateur. Oui, c'est ça, parce que arts plastiques, c'est je pense que c'était désuet comme ouais. Appellation. Là, c'est beaucoup plus large que ça maintenant. Exact. On parle du programme d'ergothérapie qui se fait reconnaître. Oui, il se fait reconnaître. Si on veut. Non, c'est mal dit. Oui, c'est bien une reconnaissance. Ils se font reconnaître. Je pense que c'est bien. Bon. Donc, ils ont reçu l'agrément de l'Association canadienne des ergothérapeutes. Et ça, pour une période de 7 ans. Donc, c'est une reconnaissance quand même exceptionnelle, surtout qu'elle est valide jusqu'en 2019. Et le programme, ça fait pas tellement longtemps qu'il est offert, c'est seulement depuis 2008. Donc, les évaluateurs ont identifié plusieurs points forts du programme, comme l'approche pédagogique par compétences, ainsi que le désir d'amélioration continuelle des étudiants avec toutes leurs suggestions. Et donc, c'est vraiment... une reconnaissance très, très importante pour le programme qui va ouvrir beaucoup de portes aux étudiants qui sont inscrits. Tant mieux, félicitations. On parle de Génie en herbe qui avait lieu la semaine passée. Oui, le Génie en herbe, donc le 10-12, a ouvert ses portes à des dizaines d'étudiants pour son activité Génie en herbe, donc jeudi dernier. Au total, 42 participants provenant de 14 programmes se sont prêtés au jeu. Donc, il y avait 9 catégories de questions, donc ça venait soit du langage, la littérature, l'actualité, les mathématiques, la géographie, les sciences, les arts, la musique et le sport. Donc, wow. Quelques exemples de questions pour voir tester nos propres connaissances. Pouvez-vous me dire quel architecte a dessiné les plans de l'Opéra de Sydney? Pas évident, celle-là. Là. J'allais sur le bout de la langue. Là. Ouais. Écoute, on... prends ton temps. Ça commence par un A, B, C, A, D, E. D? D, D, oui. D. En tout cas, je sais que c'est un Danois parce que je l'ai cherché hier. Comme une viennoiserie danoise. Et un petit calcul mental, peut-être? Okay. 19 x 3 moins 55. François, t'es bon en masse, hein? 2. Je sais pas. Bon, c'est bien que tu me poses des questions auxquelles j'avais la réponse, là. Mais non, mais... 3, 30, 30, 3, ça veut dire... 30, 18, 25. Perds. 18, 27, 35, ouais, 2. Wow, il est bon, hein? Ben, si c'est ça, il est vraiment bon. Tu penses ça? Ou quelle filière d'Air Canada a fermé ses portes en 2012? Jazz? Hein? Wow, François. Non, mais c'est ça? Ben, je sais pas. Ben là... Non, ben moi, je m'attendais à ce que personne réponde, là. François est trop fort pour nous autres, je pense. Ouais, mais est-ce qu'on fait ça? Bon, finalement... ça a l'air bizarre dit comme ça, mais bon. Dans... Toujours l'actualité. Oui, oui, oui, oui. Signature d'une première convention collective pour l'UQTR et l'Association des travailleurs étudiants et travailleuses étudiantes de l'UQTR. Mm-hmm. Donc, ça s'est passé le 5 novembre dernier. Cette convention-là va permettre d'établir les bases d'une relation plus saine entre la réalité étudiante et l'employeur. Donc, cette nouvelle convention-là touche notamment une hausse des salaires pour la majorité des emplois étudiants. Il a aussi été décidé que l'affichage et l'octroi des postes va être désormais plus systématisé. Donc, souvent, c'était comme du bouche à oreille et « Ah, tu trouves une job comme ça sur le campus, des fois... » en recherche et tout ça, mais c'était jamais vraiment affiché. Donc là, ça va être un peu plus équitable, je crois, pour les étudiants. Parfait. On parle du club UQTR qui reprend du service. Oui, ça revient, UQTR. En fait, auparavant, le club s'occupait de deux volets sportifs, donc les sports et le plein air. Mais là, étant donné que les sports, c'est quand même déjà bien couvert par le CAPS avec ses activités et ses infrastructures... Maintenant, UQTR va plutôt concentrer son énergie sur le plein air. Donc là, c'est ils ont beaucoup travaillé sur le renouvellement du club. Donc, ils ont changé le logo, le slogan. Très, très beau logo, d'ailleurs. Oui, pour c'est vrai, là, il est vraiment très beau. J'en suis jaloux. J'adore. Ah oui, tant que ça. Vraiment. Effectivement, il est vraiment très beau. Ils ont aussi fait une restructuration du comité. Ils ont restauré les bureaux. Donc, ça repart en neuf. Et si vous voulez... connaître les activités, vous pouvez aller sur le Facebook. Il va aussi y avoir une conférence le 5 décembre. D'accord. Et UQTR, en passant, c'est UQT apostrophe AIR. Oui. Ouais. Faut le dire des fois. Hein? Oui, oui, c'est UQTR comme jeu de mots. Dans les airs. Oui. Là. Dans son texte d'opinion en pleine face, Simon parle de l'anniversaire, le 30e anniversaire, en fait, des CD. Oui. CD. Donc, on a un petit peu d'histoire du CD et on parle aussi quel est l'avenir du CD. Il y a l'avenir peut-être un peu précaire. Ouais. Donc, on en parle là-dedans. Est-ce que ça va décéder? Est-ce que ça va décéder comme dans le cimetière décédé? Oui, exactement ça. Wow. J'ai jamais entendu cette expression-là. Non, pas du tout. Collecte de panier de Noël de la GEQTR avec le service aux étudiants? Oui, donc la collecte est commencée. Donc, c'est le temps là, d'user de notre générosité du temps des fêtes. Donc, vous avez jusqu'au 10 décembre pour apporter des denrées non périssables dans les paniers de Noël. Donc, les paniers sont placés dans les principaux bureaux de l'administration ainsi que dans les locaux de certaines associations. Parfait. On passe à Société maintenant avec plusieurs articles de nos chroniqueurs. Oui, on a beaucoup de chroniques en Société cette semaine. On a premièrement avec Michael Magny, le revers de la médaille, donc « Se ranger oh. ». Donc, c'est une chronique en deux volets, en fait. Premier volet, c'est on parle des modèles qui vont nous influencer dans notre vie. Et finalement, le deuxième volet, le français médiocre dans les journaux des associations étudiantes. Oh, ça va faire mal, ça. Moi, en fait, je suis contente qu'on le souligne parce que c'est quelque chose qui me choque profondément. Mais il y a un petit compliment, si on veut, là, pour on souligne l'excellent français du journal Le Facteur du département de lettres et linguistiques. On s'attend à ça de leur part. Mais je suis très contente parce que je viens de là, puis je suis contente qu'ils se forcent un peu pour le français. Une chance. Ensuite, on a la chronique de Sébastien Dulude et Métro. Donc, je dirais qu'on parle de la relation qu'on entretient avec nos artistes et avec notre culture. Moi, je trouve ça totalement fascinant, les chroniques à Sébastien. Vous devez absolument, absolument lire sa chronique. Il va nous la lire en ondes lundi prochain aussi, donc ne manquez pas ça, c'est à 8h. Mais si vous voulez l'avoir en primeur, c'est dans le Zone Campus. Et si vous voulez plus de détails, c'est assez fou. On pourrait continuer longtemps comme ça. Bon. Il nous reste deux autres chroniques en société. Oui, avec Jean-François Veilleux, 10 choses à savoir sur notre cosmos. Donc, c'est plein de chiffres, mais on se sent vraiment petit après avoir lu ça. Oui. C'est totalement immense. Oh, on est minuscule, là. On est rien. On est rien. Toi, là, toi, t'es rien. Là, tu pointes François. François, évidemment, oui, pas Stéphanie. J'aimerais le dire parce qu'on le voit pas, mais il pointait mais François. Mais j'aime faire un ricochet, tu sais. Miroir. OK, c'est... OK. Bon. Et on parle de sexe dans la salle de Jonathan Loranger. On parle d'inégalité salariale. Parce qu'on ne sera pas d'illusions, là, il existe encore des inégalités entre les hommes et les femmes. Mais Mais oui, mais à quoi vous espérez? Non, hey! Je m'en allais dire, en plus, c'est pas toujours les femmes qui sont considérées comme le sexe faible, si on veut. Ça dépend vraiment des situations, là. Je parlais justement hier de certaines publicités où on a le droit de faire passer les hommes pour de parfaits imbéciles. Oui. Alors que si c'était des femmes dans ce contexte-là, ça serait totalement inacceptable. Et là, les féministes vraiment s'indigneraient contre tout ça, mais je pense qu'on a tout le droit d'être imbéciles. Égal. Oh, wow! Hey, c'est ça. Je pense qu'on l'est tous égal. Ouais. Oui. On est tous imbéciles égal. Oh, oui. Oh, oui. Ouais. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, dans la chronique, on nous explique pourquoi même à compétence égale, il peut y avoir, dans certains contextes, des avantages à embaucher un homme plutôt qu'une femme. Ça va faire jaser, juste cette citation-là en plein milieu de l'article. Oui. Ça fesse. Et puis, finalement, le fantasque, évidemment. Évidemment. En spectacle, on va survoler rapidement le spectacle parce qu'Alexandra nous en a parlé un petit peu hier. Oui, avec la sortie. En fait, on a deux sorties CD. Avant-hier, excusez-moi. Ouais, je me reprends moi-même, mais c'est pas grave. OK. Avec Machine Gun Suzy du Rock Plein la Tête. Donc, on parle de la formation du groupe et ce qui fait son authenticité. Et toujours en sortie CD, on a le nouvel album d'Ingrid Saint-Pierre. Mm-hmm. Évidemment, on a parlé de Movember à la brasserie Le Gambrinus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Feu de forêt dans le désert. Feu de forêt dans le désert, qui est une série de spectacles. Donc, le tout, ça a débuté en 2009 avec Louis-Alexandre Beauregard et Philippe Allary. Donc, ils croyaient qu'il y avait un manque dans le spectacle à Trois-Rivières. Donc, ils disent qu'il n'y avait pas de scène pour la musique qu'on aimait et qui était moins connue. Alors, au lieu de se plaindre, ils ont décidé de changer les choses et de créer Feu de forêt dans le désert. Donc, vous pouvez voir des spectacles au Zénum, à l'Appart, l'Atelier Silex, le Nord-Ouest Café. Donc, il y en a un peu partout. Le prochain, ça va être le vendredi 7 décembre à 21h au Zénob. Donc, c'est seulement 8$. Ça vaut la peine d'aller là pour découvrir de nouvelles musiques. Tellement, sortez de chez vous. Parlant de nouvelles musiques, les critiques musicales de Maxime Tanguay. Oui, ça te tente-tu de prononcer les noms? J'aime pas ça. Graveyard avec l'album Lights Out et Bad for Lashes, qu'on a sur le palmarès ici, même assez fou, avec l'album The Haunted Man. J'adore ça. Mm-hmm. C'est tellement bon. Ensuite, possibilité d'avoir en fait un orange mécanique québécois. Est-ce que ça s'en vient, c'est ça? Oui. Mais en fait, c'est présentement en cours de chantier. De pratique. Là. Okay. En fait, ça va commencer, je pense, c'est au mois de février. Donc, Orange Mécanique, donc tout le monde connaît le classique cinématographique de Stanley Kubrick. Mais là, ils vont se baser vraiment sur le roman à l'origine de tout ça. Mais ils vont quand même s'inspirer du film et de la pièce, l'adaptation française. Donc, ça va être un melting pot de tout ça. Un ragoût. un ragoût, un stew. Un stew d'orange mécanique. J'aime ça. Donc, avec possiblement la présence de cette pièce-là à Trois-Rivières éventuellement. Mm-hmm. Et moi, c'est clair que je vais aller là parce que Maxime Le Flaguet qui va être dedans, qui va jouer le rôle principal. Ton beau Flaguet. Mon beau Flaguet. Beau Flaguet. Mon beau Flaguet. Le TNC présente aussi une pièce de Michel Tremblay, le vrai monde. Oui, donc toujours en théâtre, c'était... oui, il y a eu plusieurs représentations ici à Trois-Rivières. Donc, la pièce Le vrai monde qui expose les réalités familiales des années 60. Donc, adultère, inceste, père absent, dépendance de la femme, etc., etc. C'est une comédie, donc. Oui, c'est... mais c'est très émouvant. Il y a la comédie des pleurs et tout ça. Là, c'est plein, plein, plein d'émotions. C'est un bel pleurs, échange entre le public et les comédiens de toute beauté. Et il nous reste des sports à faire. Commençons en volleyball. En volleyball, athlète, à vous sifflet. Donc, les 16, 17 et 18 novembre dernier, c'est l'équipe des Patriotes de volleyball qui a organisé un tournoi de volleyball mixte. Donc, c'est une quinzaine d'équipes qui ont joué pour le financement, en fait, de l'équipe de volleyball des Patriotes. Donc, les fonds vont les aider à mener à bien plusieurs activités d'équipe, notamment financer leur propre tournoi. Cool. Profil de la tête, il y en a deux cette fois-ci. Oui, on a Annick Maltais, qui est attaquante pour le soccer féminin des Patriotes. Et au hockey, Marc-Olivier Mimard. C'est ça? Mimard, mais vivant. Mimard, moi. Et badminton, on parle rarement de badminton, n'est-ce pas? On en parle rarement parce qu'en fait, il y en a plus ou moins. Il n'y a pas d'équipe des Patriotes de badminton, mais c'est un projet en cours. Donc, c'est M. Bobby Robidas qui a eu cette idée en décembre 2011. Donc, depuis septembre 2012, il y a un projet pilote, dans le fond, qui a vu le jour et une équipe a été constituée par l'entremise d'un camp de sélection. Donc, si tous ces athlètes-là sont sérieux et motivés, s'ils performent, il devrait y avoir une équipe à l'automne prochain. Hey, c'est cool, ça! C'est le fun de jouer au badminton. Ouais. J'adore ça. Ouais, c'est le fun de jouer, mais je suis vraiment pas bonne. Ouais. Vous avez coupé ma blague, juste pour être sûr. Good minton plus que badminton. Good badminton. Good minton! Mais moi, je suis bad au minton, Au minton. Et on va revenir en volleyball, si tu veux oui, bien. Oui, excuse-moi, je pensais que j'avais fait les deux en même temps. Vas-y. Ben non, mais on n'a pas parlé, en fait, de leur dernier tournoi, qui était le 23-24 novembre. C'est seulement des victoires pour les Patriotes au volleyball. Donc, ils ont battu Lucac, Lucar et Lucam. Toutes. Et ça a fait du bien. Ils ont Kukzune. Ensuite, avec la chronique de Maxime Bilodeau, s'entraîner une étape après l'autre. Donc, quelles devraient être les étapes d'un entraînement? C'est la réponse dans sa chronique et peut-être une prochaine fois dans sa chronique à Assemblage requis avec plus de détails. ensuite, on passe à quoi? On passe à... Hockey! Et on termine avec le hockey et ça va encore très bien pour les Patriotes. Donc, ça va bien au volleyball, ça va bien au hockey aussi. 3-3 pour les Patriotes. Donc, ils ont battu les Redmen de McGill par la marque de 3-1. Ensuite, ils ont battu les Rams de Ryerson, 7-3. Et finalement, les Varsity Blues de l'Université de Toronto, 6-2. Donc, c'est très bon. Mais petit bémol pour le match des Rams contre les Rams, en fait. C'était une fin de rencontre assez décousue, selon Gilles Bouchard. Et il dit « On se serait cru à la parade du festival de je ne sais pas quoi à Saint-Stanislas. » J'avais vraiment envie de le dire parce que je trouvais ça très drôle. À Saint-Stan, c'était la parade des pontons illuminés sur la rivière. Hein? Pour vrai? Oui, sérieusement. Mais ça fait une couple d'années qu'il n'y en a plus. Ça devrait vraiment revenir. Mais c'était le festival du ponton illuminé. Ça devait être tout un show. Ouais. J'imagine vraiment Yvan Ponton avec des lumières accrochées autour du cou quand tu me parles des pontons illuminés. J'osais pas le dire, là, mais j'ai un peu eu cette image-là aussi. Donc voilà pour le tour du Zone Campus en kiosque du 26 novembre au 9 décembre 2012. C'est volume 8, numéro 7. Vous pouvez le retrouver aussi sur zonecampus.ca. Allez partager et commenter les articles en passant par notre blog. Et c'est Facebookab et Twitter Ific. Twitterific. Merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci. L'air d'être en chef du journal Zone Campus. Dans quelques minutes, on va parler avec notre amie Angélie Durocher. On est un petit peu en retard par ma faute. C'est vraiment de ma faute. Elle va être en tabarouette. Ben, j'imagine. Et ça serait bien normal. Pour l'instant, par contre, ben, on va terminer l'heure là. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec une deuxième heure d'assemblage requis, puis j'ai pas placé mon thème de fin, fait que voilà la pub directement dans vos oreilles. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour à Assemblage requis en ce mercredi 28 novembre 2012. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Blanc. Il est 7h59 minutes, à peine un petit peu de retard pour la chronique d'Anne-Julie Durocher. Je m'excuse, Anne-Julie. C'est correct, je suis même pas prête. OK. Fait qu'on met une pièce avant? Oui. D'accord. Voici Tremblay. Il a une nouvelle pièce, en fait, un nouvel extrait qu'on n'a pas vraiment entendu. C'est pas Marie Plastique. Non, c'est pas Marie Plastique. On s'en va entendre rien de mieux. Je l'ai entendu hier à Melon Miel, je suis de Bruxelles, puis je trouvais bien raide. Nouvelle pièce de Tremblay. Blabla. Ouais. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. Au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu rêves jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. En tout cas, je sais pas si c'est parce qu'Anne-Julie est une... C'est cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont. Bon. Je sais pas si Anne-Julie est juste bonne actrice, bonne comédienne, mais ça avait l'air vrai quand François la frappait. elle a l'air de vraiment se fâcher, là. Un peu. Ça fait un peu mal. Ça se donne des petits coups, là. Ça a l'air amical. Ouais, c'est comme mais en fait, il me donne des petits coups, puis moi, j'y en donne même pas, tu sais. Fait que je suis seule qui se fait frapper. Ouais. Hey, Anne-Julie Durocher, là. Oui. Oui. Ben, renvoie-y l'appareil avec. Aïe, aïe. Juste avec ton index. Sois plus douce. Juste avec ton index. Frappe avec ton index. Comme ça? C'est ça. Poncle tout le long. Jusqu'à ce qu'on nous. Aïe, aïe. Pointe du doigt. Aïe, aïe. Un index qui réveille. Ça va. Une toute petite voix. Anne-Julie Durocher est avec nous pour sa chronique l'index d'Anne-Julie. Bon matin. Ben, bon matin à vous. Oui. Bon matin, comment ça va? Ben, ça allait bien. Maintenant, j'ai mal au bras gauche, mais à part de ça, ça va bien. On vient de faire la paix, on s'est serré la main. Tu l'as pas vu, là? Est-ce que t'as vraiment serré fort ou est-ce que t'as fait la pause? Non, non, il y a fait ça une fois, mais je suis pas sûr que j'ai goût de recommencer. Une fois, c'est assez. Tu montreras ton bras la semaine prochaine. Oui. Oui. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je pense que tu nous parles d'un livre, en fait. C'est en plein ça. Je vous parle d'un livre, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé parce que, bon, j'avais pas beaucoup de temps de lire. Non. Que, là, je viens de finir un nouveau livre, en fait, là, qui est encore, bon, sur le mouvement étudiant parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis là, depuis cet été, dont celui-là. Le livre s'appelle « Je me souviendrai ». Comme Dr. Dre. Ouais. Je me souviens, Dre. Ouais, « Je me souviendrai 2012, Bowling. Mouvement social au Québec ». Ah, donc pas rapport. Non, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'est un livre, en fait, là, qui, c'est un collectif, pour être juste, qui a été écrit et dessiné, en fait, là, sur fond de carré rouge. Je me sentais poétique hier quand j'ai écrit ma chronique. Donc, c'est un ce collectif-là a été écrit en réaction à la crise sociale et propose, en fait, là, des BD, des photos et des textes sur le printemps dernier. Donc, le printemps érable, tel qu'il a été... surnommé. Oui. A, en fait, stimulé la création de plusieurs dizaines de BDistes et d'artistes d'ici et d'ailleurs qui ont mis sur pied... ce collectif qui a été... C'est super beau. C'est beau, hein? Ouais, première vue comme ça, là, pour vrai, là, les dessins sont beaux. Faut dire aussi là, que tout le livre est en noir, blanc et rouge. C'est bien, ça. Ouais. C'est pas de la couleur, mais c'est de la couleur. T'sais. Ouais, ouais, mais... Ça donne moins cher. Ben, ouais. mais ça donne vraiment un ton particulier, je trouve, au livre. Puis c'est agréable. Moi, j'étais pas sûre là, que ça... Je suis pas très BD dans la vie. Puis là, noir, rouge, blanc, j'ai comme, je vais peut-être me tanner d'ici la fin. Il y a quand même 300 pages de livre, mais non. Ouais, c'est vrai, c'est un gros livre. De la façon que tu en parles, ça a peut-être pas l'air si gros que ça, mais moi, je le regarde ici, ça ressemble à un gros livre. Ça. Oui, oui, ben, c'est 300 pages, ouais. Mais bon, mélangé de images, photos, BD, donc ça se lit très bien et très vite. Là, c'est pas, ben, c'est pas ça un gros roman. Là. C'est à la vitesse que tu veux, parce que vu que c'est des dessins, tu peux arrêter quand tu veux, ben, il y a pas mal de chapitres. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça, comme j'ai dit, il y a aussi des poèmes. Puis des textes là, de chroniqueurs de journaux, mais aussi de personnes politiques, d'étudiants, là, un peu tout le monde a contribué à cet ouvrage qui a été orchestré par l'artiste français André Cody, qui est mieux connu sous le nom de Soul Man, pour ceux qui... I'm a soul man! Ouais. Je suis pas sûr qu'il chante, non? Mais il faudrait m'en dire. On a pas les droits pour cette chanson-là, fait que je retire mes paroles. Pas sûr qu'il chante, tout court. Ouais. peut-être dans sa peut-être. Douche. Ouais, j'imagine. Mais bon, même s'il est français, il habite à Québec. Il a publié ce livre-là avec la maison d'édition française La Boîte à Bulles. Donc, c'est quand même intéressant, là, c'est... Ça a été orchestré par un Français, publié dans une maison d'édition française. Mais justement, en France, ils ont quand même suivi qu'est-ce qui se passait au Québec. Le livre est construit aussi de manière chronologique, ce qui le rend intéressant. Ah ouais, c'est en ordre? Oui, c'est en ordre chronologique. Mais en même temps, je trouve ça bien intéressant parce que, bon, pour avoir pris part à ce mouvement-là... Moi, j'ai pas l'impression qu'on a le même ordre chronologique, mais... Parce que, mais non, mais tu sais, dans ta tête, des fois, t'as l'impression que les événements se passent plus vite, pis tout ça, fait que je trouve ça le fun aussi d'avoir les événements dans un ordre chronologique comme ça, parce que ça te permet de mieux te rappeler, justement, de qu'est-ce qui s'est passé, parce que... Des fois, dans ta tête, c'est... Ouais, c'est flou, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exact. Donc, c'est ça. C'est le fun, par exemple, pis écoute, c'est sorti quand, ça? C'est sorti au mois d'août. Ça fait quand même longtemps, ouais, là, c'est pas récent. Là. OK. Fait que, bien sûr, là, ça prend pas en considération tous les événements qui s'est passé à la rentrée scolaire. L'annulation de la... Ouais, c'est ça. Ben, ça va jusqu'à la loi 78, jusqu'aux manifestations, je crois, de juin, quand même. OK, là, quand même. Ouais, quand même. Même. Ça parle pas des élections, mais ça va jusqu'au mois de juin. Okay. Ça fait quand même une bonne partie du mouvement. C'est ça, les éléments qui ont été choisis, les textes ou les dessins, en fait, nous permettent de bien saisir l'escalade du conflit, présenté de manière chronologique. Ça nous démontre bien ça. Puis, donc, à mon avis, ce livre-là est une réussite, puisqu'en fait, là, il présente une réflexion des carrés rouges face aux événements. Puis, les reportages ou les autobiographies là, du monde qui ont contribué à l'ouvrage donnent en fait un côté humain à tout le mouvement qui est au cœur du recueil, là, parce que ça porte là-dessus. Puis, à l'image de son titre, en fait, là, il offre une mémoire physique tangible au volet web de cet épisode-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Soulman, en fait, a retracé via Facebook principalement différentes personnes qui ont contribué sur le web au mouvement étudiant. OK. Donc, c'est aussi. Des acteurs importants. Oui, ben oui, mais aussi ceux qu'on n'a pas nécessairement vu passer parce que, bon, il y avait tellement de choses qui se passaient sur le web. Mais il a comme retracé tout ce monde-là pour leur demander de contribuer à cet ouvrage-là. Fait que, tu sais, oui. C'est beaucoup de travail, nous. Oui, oui, oui. Parce que, oui, sur Internet, on conserve des choses, mais on ne voit pas tout passer quand un mouvement, ben, même dans la vie en général, là, on ne voit pas tout passer sur Internet. Et là, ça permet de tout mettre ensemble, de colliger tout ce qui s'est passé sur Internet. Mettre ça un peu dans un ordre assez bien fait. Là. Tu sais, tu parlais chronologiquement, mais avec des dessins, puis entremêlés. En fait, t'as de la poésie aussi. Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Là. Donc, c'est mélangé. Là, ouais, il y a comme plein de choses, pour vrai. Là. C'est un varietaus. Donc, c'est ça. Puis bon, Noël s'en vient. Donc, il est rouge, pareil comme une des deux couleurs de Noël. Là, rouge comme, et vert. Ça peut faire de la chicane en famille, par exemple. Ça peut faire de la chicane, mais des fois, dans certaines familles, j'imagine qu'on était unis. Fait que, peut-être. Ça peut faire un. En tout cas, moi, je le suggère si on ne sait pas quoi mettre sur notre liste de cadeaux de Noël ou qu'on ne sait pas quoi acheter à quelqu'un. Je suggère ce livre-là, là, il est autour de 33$, là, dépendamment des librairies. Ce qui est le fun, c'est que ça fait pas assez longtemps que c'est terminé pour plus s'en rappeler. Fait que, tu sais, on est encore un peu dedans. Ben oui, oui, ben c'est que je pense qu'on continue à en parler là, avec le sommet qui s'en vient sur l'enseignement supérieur. C'est encore d'actualité tout ça, puis je pense qu'il faut pas oublier, justement. Voilà, donc c'est le livre « Je me souviendrai ». Rappelle-nous l'auteur. En fait, c'est un collectif. Oui. Donc, c'est le titre complet, là, en fait, là, c'est « Je me souviendrai 2012, mouvement social au Québec ». D'accord. Merci beaucoup, Angie Durocher. Merci beaucoup. Hey, tu restes avec nous. Après ça, on parle un peu de la GEQTR parce que Jasmine n'est pas là avec nous ce matin. C'est ça. Et voilà. Pour l'instant, on va aller voir l'Info Campus, en fait, l'entendre parce qu'on l'a pas entendu tantôt. Et puis après ça, on revient avec la chronique de la GEQTR. Restez là. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Le 30 novembre prochain, de midi à 13h15, se tiendra la première rencontre du groupe de discussion à propos de l'utilisation du iPad en enseignement supérieur. Lors de cette activité de lancement, le top 15 des applications incontournables pour l'étudiant ou pour l'enseignant sera présenté. L'activité se tiendra au 45 du pavillon Ringuet. Des prix de présence seront offerts sur place. Plus de renseignements disponibles au uqtr.ca/groupe-iPad. L'ensemble vocal de l'UQTR présentera le 2 décembre prochain à 14h le concert « Voix et harpe de Noël » avec la harpiste Valérie Milo, sous la direction de Claude Léveillé. Les choristes se produiront à la chapelle du séminaire Saint-Joseph. Les billets sont en prévente au coût de 20$ ou de 25$ à la porte. Pour plus d'informations, il est possible de visiter le site web de l'ensemble vocal au uqtr.ca/ensemble-vocal. Le mardi 4 décembre prochain, le service d'aide à l'emploi organise la journée carrière en éducation. De 11h à 16h, plusieurs milieux scolaires seront représentés à l'UQTR, à l'atrium CEU. De l'information sur les perspectives d'emploi, sur les postes à combler, ainsi que sur la façon de postuler sera disponible sur place. Cette activité est offerte aux étudiants finissants et diplômés en enseignement, psychologie, psychoéducation, adaptation scolaire et orthophonie souhaitant faire carrière dans le milieu scolaire. C'était votre capsule InfoCampus. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. just a good book and a heart to break. I'll make a mistress of a little Wiccan thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, Mother, et bit par bit, bit by bit, sur l'album The Sticks. Faut ce qu'il vaut. Comment? Faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Je pense que tu disais, ça vaut ce que ça vaut. Ben non, c'est bon. Mother, Mother, on aime ça. Très, très bon. The Sticks, des bâtons. Des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. C'est des bâtons des jarrets. Des jarrets. Jack tes jarrets. Jack tes jarrets. Louis-José Hood. Puis présente-toi à l'AGE, ils sont là pour trouver toutes les solutions à vos problèmes. AGE QTRE, AGE QTRE, AGE UQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGE UQTA, parce que l'AGE UQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, plou, plou, poing, poing, poing. Angie Durocher qui est là en remplacement de Jasmine Raymond-Drainville. Oui, je suis contente d'avoir mon ancien thème. Ah, souvenir, souvenir, hein? Ben oui. Est-ce que tu chantes dans, celle-là? Non, je pense que je joue un instrument. C'est vrai. La flûte? Non. Non? À chaque semaine, on se pose la question. Moi, je chante, en tout cas. Oui, on t'entend. C'est un talent que j'ai. Hein? Un de mes nombreux talents. Donc, Angélie, de l'AGEQTR, en fait, ben, tu fais aussi partie de l'AGE, faut le dire. C'est juste que d'habitude, tu fais pas la chronique en tant que tel. C'est dans plein ça. Voilà. Et de quoi on parle aujourd'hui? Dans quel ordre on fait ça? On fait ça dans l'ordre que aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale. Oh, ben, oui, spéciale. Une Assemblée générale spéciale, là, en fait, là, pour être précis. Donc, c'est des étudiants qui ont demandé, via l'aide, ben, via une pétition, que se tient une assemblée générale spéciale portant sur la question suivante. Donc, considérant que le sommet sur l'éducation pourrait mener à des états généraux sur le même sujet, considérant que la GEQTR ne propose rien par rapport au droit de scolarité si des états généraux devaient survenir, considérant l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite, considérant que des droits de scolarité ne sont pas une manière de limiter l'accès aux études supérieures en fonction du mérite. Comment? Considérant, juste, fais juste répéter cette dernière phrase-là. Elle se dit mal. Le monde qui l'ont composé, là, je dois avouer, est... Ben, je pense que la négation est un peu dans le mauvais ordre. Là. Fait que. Considérant que. Que des droits de scolarité ne sont pas une manière de limiter l'accès aux études supérieures en fonction du mérite. D'accord. Okay. Ouais, ben, je suis pas encore sûr de la comprendre. Mais t'as l'IRA, hey, sur la page Facebook de l'AGE. Il y a une pub dans le campus, je dirais. Ben, plus, oui, aussi. Même, oui. Ben, moi, je voulais que le monde aille visiter la page de l'AGE parce que je fais la chronique sur l'AGE. Moi, je veux qu'elle aille partout et en même temps. OK. Donc, là, j'arrive à la proposition parce que là, je suis juste d'être considérant. Ouais. La proposition est que l'AGE QTR propose lors d'états généraux une perspective de gratuité scolaire balisée. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, une perspective de gratuité scolaire balisée? Ben, en fait, là, tu peux avoir la gratuité scolaire, puis tu peux avoir la gratuité scolaire balisée, là, qui est comme... Balisée, c'est pas vraiment gratuit, mais... Non, c'est... non, c'est la gratuité, okay. Mais avec certaines balises, là, en fait, là, ça peut certaines être congèle les frais de scolarité à ce qui coûtait en 1969, puis... Donc, dans ce cas-là, c'est pas gratuit? Ben... À long terme, ça devient pratiquement gratuit parce qu'avec le coût de la vie et tout ça, puis à limite, on les gèle au prix d'aujourd'hui. Puis dans tant d'années, ben là, ça revient pratiquement gratuit ou on les élimine Graduellement, ça peut se faire. OK, mais si les gens ont des questions comme ça à se poser, ben ça va se dérouler ici même aujourd'hui à midi, à partir de midi. Oui, c'est à midi. C'est important que le monde arrive à l'heure parce qu'on a vraiment le 10-12, là, pour préciser, c'est au 10-12. On a le 10-12 jusqu'à 15h. Donc, à 15h, malheureusement, il va falloir comme quitter la salle. Fait que pour accélérer le processus, c'est important que vous ayez votre carte étudiante en main pour pouvoir rentrer. Puis, c'est ça. Puis, on va commencer l'assemblée là, dès midi, on espère. Il n'y a pas de levée de cours? On n'a pas eu de levée de cours de la part de l'administration de l'UQTR, mais la demande avait été faite comme il se doit. Là, on avait fait une demande et elle n'a pas été acceptée. Ils vous ont limité à une par année. Ben, en fait, par session. C'est une loi non écrite, je pense. Ouais, c'est plus une loi non écrite, mais on prend quand même la chance. Ouais, écoute, t'as rien à perdre. Mais ça a été refusé. Désolé. Ouais, mais il est présent. Et ça, en fait, là, si ça fonctionne, si ça passe, c'est vous, en fait, c'est le jeu UQTR qui va amener ça lors des. En fait, cette proposition-là passe, ça serait dans le cadre d'États généraux. Okay. Qu'est-ce que le gouvernement propose, c'est un sommet, donc c'est pas la même chose. Là. OK. Mais dans le but, peut-être, de faire des états généraux. C'est ça. Okay. Mais est-ce que vous allez quand même présenter la proposition, en fait, là, ben, si ça passe, là, ou... Ben, c'est sûr que ça va faire partie de notre cahier de position. Donc oui, okay. ça va faire partie de l'ensemble des choses qu'on... Okay. T'sais, notre première revendication, c'est de demander des états généraux et c'est sûr qu'on va mentionner le fait que s'il y a des états généraux, ben on demande, en fait, là, on propose une perspective de gratuité scolaire balisée. OK. Et ça, c'est quoi? C'est tout, en fait, le comité exécutif qui va aller présenter ça? Ben, comment ça fonctionne, le sommet? OK, là, tu veux parler du sommet ou de l'Assemblée générale? Ben, un peu des deux, en fait, parce que c'est un peu en lien. En Assemblée générale, c'est vraiment les étudiants qui vont venir en parler. OK. Il y a quand même un président Il y a un présidium d'assemblée comme tout bonne assemblée ou conseil d'administration ou conseil exécutif. Là. Donc ça va de soi. Mais c'est vraiment une demande d'étudiants. Donc c'est les étudiants qui veulent... Qui nous ont demandé, en fait, au conseil de l'Assemblée générale sur le sujet et ceux qui vont venir amener la proposition là, devant les étudiants. Okay. Puis ensuite, les étudiants vont débattre lors de l'Assemblée générale. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est seulement sur cette question-là que les étudiants vont pouvoir discuter. Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. C'est que ça. Si ça va, trois heures sur une question, c'est pas super. D'après moi, vous allez avoir le temps. J'ose espérer. Ouais. On va avoir le temps. Parfait. Donc, c'est ce midi. C'est ce midi, ouais. Carte étudiante au 10-12. C'est l'important. Voilà. C'est ça. Puis, d'ici la fin de session, là, on continue toujours le Movember. Oui. Donc, ça se termine, là. Ça se termine bientôt. C'est quand, vendredi, qu'on peut se faire raser ça? Mais évidemment, on fait plus... Tu pourras pas te faire raser, là, mais quoi, que t'as pas fait le Movember? Non, pas cette année. On est plate. Mais vous pouvez amasser des fonds. Venir les porter à la GIA, puis nous autres, on a une équipe là, sur le Movember là, à GIA-UQTR, puis on va tous déposer l'argent sur notre équipe à GIA-UQTR. Et d'ailleurs, les hommes qui font partie de votre équipe ont de merveilleuses moustaches. Ouais. Je suis tannée, là. Ah, j'ai non, vraiment hâte que ça finisse. Ils sont très jolis, là. Très, très, très, là. Ben, j'sais pas. C'est formidable. Mais ouais. Ils sont charnus. Ouais. Mais pour encourager les associations à amasser des fonds, il y a des points qui sont donnés pour la coupe des associations. Oh, ben oui. Quelle bonne idée. Puis, ça a des avantages, par exemple, peut-être certaines assos qui ont que juste des filles. Ben, mm-hmm. Mais rien n'empêche d'amasser de l'argent. Ça, c'est vrai. La moustache ne fait pas comme avoir plus d'argent. Non. C'est pas une prérogative. C'est pas un... C'est vrai. C'est une citation célèbre. Ouais. Puis, finalement, pour faire clore l'année, la dernière activité que l'on organise, c'est la collecte de denrées. Oui. Les paniers de Noël, comme on fait à chaque année. Oui. Oui. Tu sais de quoi je parle, François? Oui. Chaque année, ça a lieu. C'est oh, ouais, non, année. C'est ça exactement. Et d'ailleurs, écoute, le service aux étudiants en font, mais l'AGE aussi, là, c'est comme c'est deux en collaboration, deux choses, en fait. Là. C'est en plein ouais. Ça, Mathieu, c'est en collaboration. Ah, tu connais tout ça. Tout courant, voilà. Ouais. Ouais. Branché. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, les associations peuvent venir récupérer leur boîte au local de l'AGE, puis... La remplir, potentiellement. C'est ça, la remplir. Idéalement. On vous suggère de la remplir. Il y a rien avec ça vide. T'sais. Puis, tu peux ça, la remplir d'argent. Ça peut être, ben, en fait, là, ça peut être de l'argent là, aussi. Là. Si le monde veut donner de l'argent, tu sais, parce que oui, on donne de la nourriture, du canage, tout ça, des pâtes alimentaires, ça l'aide énormément. Oui. Mais souvent, qu'est-ce que les familles ont besoin, c'est de la viande. Et si on peut pas mettre ça dans la ben, boîte. C'est ça, ça va comme mal donner de la viande. Sinon, il faudrait comme leur donner immédiatement. On peut, mais ça serait pas très bon. De la viande ou des produits d'hygiène. Souvent, on y pense pas. Papier de toilette, essuie-tout. Rasoir. Couche. Couche. Pâte à dents. Etc. Les brosses à dents, c'est con, mais... Oui. C'est ça, c'est ça. Fait que de l'argent, en fait, là, ça peut servir des fois à compenser si on ne soit pas trop ce genre de produit-là ou de la viande. Ça leur permet, en fait, là, d'aller en acheter puis tout ça. Donc, on vous encourage à donner. D'ailleurs, je lève mon chocolat chaud à toi, Anne-Julie et Mathilde, je pense que... Et Jasmine. Fait, et Jasmine. Qu'est-ce que j'ai dit? Mathilde? Non, toi, Anne-Julie et... ouais, non, mais je voulais dire Jasmine. Mathilde. Mais Mathilde, je l'avais dit. Mais bon, félicitations à vous pour le bénévolat, en fait, que vous avez fait en fin de semaine. Ben oui, mais... Non, mais en fait, c'est une belle initiative. Et ça prend quand même ça. Tu sais, au lieu de donner, des fois, on peut donner de son temps aussi. Évidemment, ça coûte rien. Ouais. C'est de prendre mais son temps. Je sais qu'il y a d'autres étudiants aussi qui le font pour différentes causes. Puis j'encourage à continuer si... vous voulez donner du temps, en fait, là, vous voulez faire du bénévolat, gênez-vous pas de nous contacter dans les bureaux de la AGE. En fait, là, on peut vous rediriger vers différents organismes, en fait, là, pour que vous puissiez aller donner du temps, faire du bénévolat, puis aider, là. Je pense que tous les organismes ont besoin d'aide, là, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que souvent, c'est des grosses collectes qu'ils font. Et ça a bien fonctionné? Ben oui. Oui? Oui. On a fait... Merci, c'est tout. Merci. Oui, c'est tout. Ouais. Ben là, on finit l'année. Là. Après ben oui. Ça, allez manger de la dinde en famille. Puis, oh yeah! Amusez-vous, là. Mais on retrouve la chronique de la GE quand même toutes les semaines, les mercredis à 8h. Oui! Voilà. Merci, Anne-Julie Durocher. Tu restes un peu encore? Non. Bye. Youhou! Bye. Bye. Je vais étudier, tu sais. Ben, faut bien. Hey, je t'étudie en toi. Hein? C'est bien ça. Dans tes temps libres. Oui, dans mes temps libres. Entre deux autres affaires. Alors, on va aller écouter les trois accords tout de suite avec l'extrait exercice. C'est sur le palmarès francophone. Et après ça, c'est d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. Elle s'en l'a joué. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement. S'arrêter devant.

louche qui rôde, fréquente mes tournesols. L'armoire à glace qui porte très bien la camisole. Et leur pose vers son menteur. Je pourrais tirer vengeance dans la nuit. Évite les pièges à ours, les fusils. Coupe l'herbe sous pied du bandit. Octobre en temps de brume, camoufle mon sabotage. Chaudières de chlore contiennent ce qu'il faut de courage. Je coupe les racines d'un mirage. Je pourrais tirer vengeance dans la nuit. Évite les pièges à ours, les fusils. Et du Bel orchestre par les frères Goyette à Assemblage Rocky. C'est ce qui termine pas mal l'émission, François. Déjà. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Stéphanie Paradis. Merci. Anne-Julie Durocher. Merci, Anne-Julie. Maxime Bilodeau. Ouais, merci. Ouais. Mais pas Jasmine Raymond-Rainville, mais on la remercie. On la remercie quand même. Là. Une très belle journée. Ouais, c'est une très grosse journée. C'est l'Assemblée générale spéciale qui va se dérouler à midi ici au 10-12. Donc, je pense qu'elle est en cours de préparation de tout ça. C'est bien normal. On peut comprendre. On la retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute sur les ondes de C'est fou. Aujourd'hui, à 11h, ce sera le dîner de con, évidemment, avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les filles de Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, les émissions que vous avez manquées depuis la dernière semaine. Le voyage de Cédite à 14h, album classique à 15h. Il n'y a pas eu d'examen final, donc c'est ça. Alors, c'est à 17h, du rap avec le Big Max Show. À 19h, c'est électro-tactile en électronique. Et à 21h, on passe en trance avec CTR. Et 22h, Transformer. Allez voir le cifou.ca pour la programmation complète et Assemblage Requis pour les notes de l'émission. AssemblageRequis.com. Si vous allez juste sur Assemblage Requis, ça va sûrement googler, dépendant de votre porteur. Là, ben après ça, c'est plus mon problème. Hein? Bon. On se quitte avec la chronique de Rich Solery. Évidemment, on appelle ça... En fait, c'est une chronique sur la façon de parler des gens. Donc, tu sais, des fois, il y en a qui vont bégayer. Il y en a qui vont parler très, très... Ils vont parler très, très... Saccadé. C'est très saccadé. Quand ils parlent, c'est de même. C'est comme, mettons, Hitler. Là. C'est saccadé, tu sais. Saccadé. Non, attends, on me dit que c'est Sadako. Et c'est ce qu'on s'en va entendre. Il y en a qui tombent plus à plat que d'autres. Hein? Bonne journée. L'univers de Sadako par M. Régis Olry.